طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ما زلنا في القاعدة الأولى التي تتعلق بالقواعد في أدلة الأسماء والصفات، وهي التي بعنوان الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته، هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. Donc on est toujours dans la première règle qui porte, ou la première règle concernant à la fois les noms, mais aussi les attributs divins, c'est-à-dire les attributs d'Allah Azzawajal. Et cette première règle a pour titre Mada, les preuves avec lesquelles on affirme un nom ou un attribut à Allah Azzawajal ne sont autres que le Coran et la Sunna de son messager alayhi salatu wassalam. La Sunna authentique, bien sûr. Donc, on reprend là où on s'était arrêté. قال الشيخ العثيمين فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. Donc, on ne peut en aucun cas affirmer un nom à Allah Azza wa Jal ou un attribut sans revenir à ces deux sources, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. وعلى هذا قال الشيخ العثيمين وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته. Et donc, toute affirmation de nom ou d'attribut à Allah Azza wa Jal que l'on trouve dans le Coran ou dans la Sunna authentique, on se doit de l'affirmer. On se doit d'affirmer ce nom ou cet attribut que l'on trouve dans le Coran ou dans la Sunna. وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. Et ce que les attributs que l'on trouve dans le Coran ou dans la Sunna comme étant réfutés ou réfutables à Allah Azza wa Jal, alors on se doit nous-mêmes de les réfuter tout en affirmant la perfection du contraire. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut » et place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Donc on se doit d'affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne meurt pas. Mais on ne s'arrête pas là. On affirme en même temps qu'il ne meurt pas. Pourquoi? Parce qu'il est le détenteur de la vie par excellence. La vie parfaite. Celle qui n'est ni devancé par le néant, ni succédé par le néant ou la disparition, ou ni même touché par la mort. Naam. Donc on se doit d'affirmer, on réfute l'attribut réfuté par Allah Azza wa Jal tout en affirmant la perfection de son contraire. Naam. Tayyib. وما لم يرد قال الشيخ العثيمين وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. Donc là on a terminé des attributs ou des noms affirmés dans le Coran ou la Sunna. Donc là on se doit de les affirmer, et ceux qui sont réfutés, on se doit de les réfuter en affirmant la perfection du contraire de cet attribut réfuté. Mais en ce qui concerne maintenant des attributs qui ne sont qui n'ont ni été affirmés dans le Coran ou dans la Sunna, ni ont été, ni ils ont été réfutés, ni ils ont été réfutés. كيف نعمل هنا؟ شيخ العثيمين يقول ماذا؟ وجب التوقف في لفظه. On se doit de s'abstenir de l'affirmer ou de le réfuter. Ni on affirme, ni on le réfute. Ça, c'est en ce qui concerne la prononciation, le fait de proclamer cet attribut ou ce nom. Ça, ni on le réfute, ni on l'affirme. Tamam. Bien sûr, comme on l'a évoqué la semaine dernière, ça c'est au sujet des attributs ou des noms qui ont un sens qui est plus ou moins plausible ou plus ou moins applicable à Allah Azza wa Jal. Naam. Amma si c'est un nom, mais yani, si toutefois c'est un nom ou un attribut qui est en soi déficient et qu'on ne peut en aucun cas affilier avec l'être divin, alors ça on le réfute même si il n'est pas venu catégoriquement dans le Coran ou dans la Sunna comme étant réfuté. Naam. طيب. ثم قال الشيخ العثيمين وأما معناه فيفصل فيه وهذا أمر آخر وأمر مهم أما معناه فيفصل فيه. Donc là, الشيخ العثيمين passe à un autre stade. Donc là, il t'a expliqué en ce qui concerne le fait de proclamer un nom ou de le réfuter. Tamam. Donc on le proclame en l'affirmant si toutefois il se trouve dans le Coran ou dans la Sunna. On le réfute si toutefois il est réfuté dans le Coran ou dans la Sunna, tout en affirmant son contraire. Et on se tait, ni on le prononce pour l'affirmer, ni on le réfute, si toutefois il n'est pas affirmé ni réfuté dans le Coran et la Sunna. Mais il a un sens qui est plausible. Il a un sens qui est plausible. Tamam. Naam. Taïb. Donc ça, c'est la manière qu'on doit, avec laquelle on doit œuvrer au sujet du fait de prononcer, de proclamer un attribut ou un nom. On doit œuvrer comme l'a évoqué Cheikh Al-Uthaymeen. Mais en ce qui concerne l'affirmation du sens, en ce qui concerne l'affirmation du sens, lorsqu'on a un attribut qui n'est pas, un attribut ou un nom, qui n'est ni affirmé, ni réfuté, et dont le sens est maintenant plausible. C'est-à-dire qu'on peut, on pourrait l'appliquer à Allah Azza wa Jal. On pourrait l'affirmer à Allah Azza wa Jal. Tamam. Alors là, comment on doit œuvrer? On doit œuvrer en demandant, en détaillant, en posant des questions, en détaillant. طيب. قال يعني si c'est pas trop clair pour vous, ça va le devenir inshallah avec les exemples et en lisant la suite des paroles de Cheikh Al-Uthaymeen. قال واما معناه فيفصل فيه فان اريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول وان اريد به معنى لا يليق بالله وجب رده. Donc si c'est un attribut ou un nom qui n'est nullement venu d'une manière affirmative ou négative dans le Coran ou dans la Sunna et qui a un sens, yani, qui n'est ni venu dans le Coran ni dans la Sunna, alors là, on demande des détails. Qu'est-ce que tu veux dire par tel ou tel terme? Si la personne affirme un sens correct et en conformité avec les enseignements du Coran et de la Sunna, alors le sens sera affirmé. Pas la prononciation, le sens. Le sens sera affirmé et madame, naam, le sens de ce terme sera affirmé. Naam. Et si toutefois ce terme est utilisé pour d'autres fins et yani, en ayant un sens qui ne convient pas à Allah Azzawajal, alors il sera réfuté. Naam. قال فما ورد إثباته لله تعالى كل صفات دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. Donc là, Cheikh Al-Uthaymin te reprend ce qu'on a déjà vu dans les précédents chapitres pour te montrer la manière avec laquelle on extirpe du Coran ou de la Sunna des attributs. Donc, les attributs, on les affirme dans tout nom, tous les noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmés pour lui, recèlent en leur sein un attribut. Allah subhanahu wa ta'ala, il a affirmé qu'il était Ar-Rahman. Ça sous-entend l'attribut de la miséricorde. Il a affirmé qu'il était le tout miséricordieux, ça sous-entend l'attribut de la miséricorde. Il a affirmé qu'il était Al-Sami' Al-Basir, Al-Qawi Al-Jabbar, Al-Aziz. Donc tous ces noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribués, tous ces noms sous-entendent ou recèlent un attribut. Tamam. Donc on peut extirper un attribut d'un nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé sur son propre être dans le Coran ou dans la Sunna. Yani, que ce soit par indication absolue ou partielle ou par implication. Donc l'indication absolue ou partielle ou par implication, ça on l'a vu dans les premiers chapitres, celui qui veut plus d'approfondissement, qu'il revienne à la quatrième règle propre au nom divin. La quatrième règle propre au nom divin. طيب. قال ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله. Et aussi, on peut extirper un attribut par toute action qu'Allah subhanahu wa ta'ala affirme à lui-même. Toute action qu'Allah subhanahu wa ta'ala accomplit. De cette action-là, on peut extirper un attribut. قَالَ كَالِسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ وَالنُّزُولِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها ويفعل الله ما يشاء. نعم. Que ce soit le fait qu'il se soit établi au-dessus du trône, l'établissement, le fait de s'établir, al-istiwa, le fait de s'établir au-dessus du trône. Al-istiwa, l'établissement, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Le fait qu'il descende jusqu'au premier cieux, l'attribut de la descente est un attribut affirmé à Allah Azza wa Jal. Ou al-maji, l'il-fasl, et le fait qu'il vient, l'attribut de la venue est un attribut affirmé à Allah Azza wa Jal. Le fait qu'il va venir pour juger lors du jour de la résurrection. C'est un attribut d'Allah Azzawajal. Et il y en a tant d'autres qui sont indénombrables, tellement les œuvres et les actions d'Allah Azzawajal sont nombreuses et indénombrables. Wa yaf'alu ma yasha, et Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. طيب ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها. Et aussi parmi les attributs, il y a les attributs qu'on appelle khabariyya, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de lui-même, comme le visage, comme les deux yeux, comme al-yadan, comme les deux mains, bal yadahu mabsutatan wa nahwaha, ou autre. Non. Wa minhu al-kalam wal-mashi'a wal-irada biqismayha al-kawni wal-shar'i, fal-kawniyya bima'na al-mashi'a wal-shar'iyya bima'na al-mahabba. Et aussi, parmi ces attributs, il y a la parole et la volonté. La parole et la volonté. La volonté, c'est-à-dire avec ces deux types. Il y a deux types de volonté. Il y a une volonté qualifiée comme étant universelle. Et il y a une volonté, qualifiée comme étant religieuse. Une volonté universelle et une volonté religieuse. Naam. Fa yani al-mashi'a yani bima'na yani al-mashi'a al-kawniyya hiya kullu ma qaddara Allah wujuda. Kullu ma qaddara Allah wujuda wa husulahu. فهذه تشمل جميع الأحوال، جميع الأحوال أو جميع أحوال العباد من خير وشر. Donc la volonté dite universelle, celle-là, c'est-à-dire c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, يعني c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété comme comme événement à venir, que ces événements-là soient bons ou mauvais. Donc cette volonté-là d'Allah, cette volonté-là, elle s'applique et elle englobe toutes les œuvres qu'accomplissent les serviteurs, que ce soit les bonnes ou les mauvaises œuvres. Donc toutes ces œuvres-là rentrent dans la volonté dite universelle. Et la deuxième type, ou le deuxième type de volonté, irada, c'est hiya yani irada idha iradatun khassa bima yuhibbuhu Allah wa yirda. Le deuxième type, celle qu'on qualifie de comme étant religieuse ou légiférée, cette volonté-là, c'est la volonté de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbu linnas. Al-Hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime pour ses serviteurs la droiture, la guider. Tamam. Et il le veut d'une volonté religieuse, légiférée. Tamam. Naam. Donc celle-ci peut s'accomplir, et si elle s'accomplit, donc pour Zayd ou pour Mada, Mohammed, ou pour un autre, si elle s'accomplit, alors ce sera une volonté à la fois religieuse, mais à la fois universelle. Parce qu'on a dit que la volonté universelle, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qui allait survenir comme événement, qu'il soit bon ou mauvais. Tout ça rentre dans la volonté kaunia, la volonté universelle. Tamam? Naam. Maintenant, si Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit Allah azza wa jalla, et Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas et n'aime pas pour ses serviteurs la mécréance. Tamam? Donc, si on trouve des gens qui mécroient, eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aura pas voulu pour eux cette mécréance, c'est-à-dire d'une volonté religieuse, d'une volonté qu'on qualifie madame charia. Mais il aura voulu pour eux d'une volonté qui est universelle. Naam. Taïb, j'espère avoir été clair là-dessus. Qala ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها ونحوها et aussi fait partie des sifat qu'Allah subhanahu des attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé dans son noble livre ainsi que dans la sunna de son prophète alayhi salatu wa salam, la sunna authentique. Il y a l'agrément. L'agrément est un sifat, est un attribut d'Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala agré radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala agrée, comme il a agréé bon nombre de compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, ou tous les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam. Naam. Comme il a agréé madan, donc ar-rida, c'est un attribut. Kadhalik al-mahabba, l'amour. Yuhibbu Allahu madan. Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, il y a l'amour. Wal ghadab. Aussi le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère. Ainsi que le fait qu'il déteste. Al karah wa nahwiha. Wa mimma warada nafyuhu anillahi subhanahu wa ta'ala l'intifa'ihi لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. Donc, après avoir évoqué certains attributs qui sont bel et bien affirmé dans le Coran et dans la Sunna, là il te prend des attributs qui ont été réfutés dans le Coran et de la Sunna. Tout ça, on est en concordance avec le premier paragraphe de cette règle. Donc il te dit, il fait partie des attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réfutés pour lui-même, la mort, le sommeil, la somnolence, l'incapacité, Mada, l'injustice, l'insouciance, كذلك le fait qu'il est le fait d'avoir un ego ou autre, tout ça sont des attributs réfutés. Ce sont des attributs réfutés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réfutés dans son noble livre. Naam. طيب نعم donc on a fini avec les exemples de d'attributs affirmés dans le Coran et la Sunna et d'attributs réfutés. Donc tous les attributs qu'on a vus qui sont réfutés, on se doit de les réfuter tout en affirmant la perfection de leur contraire. Par exemple, la mort, le contraire de la mort, c'est la vie. Donc on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur de la vie parfaite, tout en réfutant la mort. Wa mimma lam yarid ithbatuhu wa la nafyuhu. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymeen, il continue dans ses exemples. parmi les termes qui ne sont ni venus affirmativement, ni négativement dans le Coran ou dans la Sunna, yani, d'une manière réfutable dans le Coran ou de la Sunna, il y a l'afd al-jiha. Il y a l'attribut ou le terme al-jiha, la direction. La direction. Tamam. Naam. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة. Donc si hein, quelqu'un il vient il te demande est-ce qu'on affirme à Allah Azza wa Jal, est-ce qu'on affirme à Allah Azza wa Jal qu'il se trouve dans une direction? Est-ce qu'on affirme à Allah Azza wa Jal qu'il se trouve dans une direction? Naam. Donc ça ce sera le dars de la semaine prochaine, inshallah ya ikhwan. Naam. On continuera, inshallah, ce cours la semaine prochaine, inshallah. Là, on a dépassé le temps prévu pour ce dars. Donc, inshallah, on verra la fin de ce cours la semaine prochaine, inshallah.